Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 9. Comment la nuit de contemplation plonge l'esprit dans les ténèbres, afin de l'éclairer et de l'illuminer. Il nous reste à démontrer comment cette bienheureuse nuit jette l'esprit dans l'obscurité, pour l'éclairer ensuite d'une lumière d'autant plus vive sur toute chose, si elle l'humilie, en lui faisant sonder l'abîme de ses misères. C'est dans l'unique but de briser ses liens et de l'exalter un jour, si elle le dépouille de toute possession, le tient dans le vide et lui retranche les affections naturelles, c'est pour le préparer à jouir divinement de tous les biens supérieurs et inférieurs, dans la plénitude d'une liberté générale, les éléments n'ont ni couleur, ni saveur, ni odeur particulière, afin de pouvoir entrer dans toutes les combinaisons possibles, et de s'assimiler aux saveurs, odeurs et couleurs, auxquelles on veut les soumettre, ainsi convient-il que l'esprit soit simple, pur et dépouillé de toute habitude, comme de tout acte naturel, s'il veut avoir la liberté de participer à la plénitude de la divine sagesse, et grâce à sa pureté, y savourer excellemment la douceur de toute chose, mais en vain espérerait. Il goûtait l'abondance des consolations spirituelles avant d'avoir traversé l'épreuve de la purification, car une seule affection, soit actuelle ou habituelle, qui enchaîne l'esprit à un objet particulier, suffit pour l'empêcher de savourer les délices des douceurs intimes de l'esprit d'amour, qui contient éminemment en lui toute suavité. Les enfants d'Israël, Exode 16, 3, avaient conservé le souvenir des viandes et des aliments grossiers, dont ils aimaient à se nourrir en Égypte, c'est pourquoi ils étaient incapables d'apprécier la délicatesse du pain des anges, c'est-à-dire de la manne du désert, dont la saveur, au rapport de la Sainte Écriture, Sagesse, 16, 21, variait selon le goût de chacun. La volonté aspire évidemment à jouir de la vraie liberté, mais qu'elle ne se berce pas de l'espoir d'y parvenir, tant que l'esprit conservera une affection quelconque, ou sera retenu captif dans les liens étroits des choses intelligibles et des connaissances particulières, la raison en est simple, les affections et les sentiments de l'esprit parfait, surnaturel et divin différent beaucoup des modes de compréhension de l'esprit naturel, et leur sont bien supérieurs, pour pratiquer les actes et acquérir les habitudes des uns. Il faut donc absolument faire disparaître les autres, en d'autres termes, il est non seulement convenable, mais nécessaire, que l'âme se laisse anéantir et dépouiller de toutes ses imperfections, et qu'elle se résigne à subir l'obscurité, la sécheresse, le vide et la solitude de la nuit de contemplation, si elle veut avoir part à ses grandeurs. La lumière qui doit lui être communiquée, est une splendide et divine clarté, supérieure à toute lumière naturelle, et par là même incompréhensible à l'intelligence humaine. Lorsqu'à la faveur des ténèbres momentanées de l'obscure contemplation, l'entendement sera parfaitement purifié, sa lumière naturelle fera place aux splendeurs de la lumière céleste, et lui-même deviendra tout divin dans l'état de perfection. Cependant les ténèbres se prolongeront autant qu'il sera utile pour opérer cette œuvre de purification, et plus les habitudes imparfaites auront jeté de fortes racines dans l'âme, plus aussi l'obscurité sera pénible, profonde et vraiment horrible, parce qu'elle devra atteindre le sanctuaire le plus intime de l'esprit. L'amour qui est le fruit de l'union, est divin, il est par conséquent spirituel, délicat, subtil, intérieur, et surpasse tous les sentiments naturels. toutes les tendances et les affections imparfaites de la volonté, pour que cette faculté puisse donc être admise à son tour à participer aux délices ineffables de l'union d'amour. Il faut qu'elle consente à être purifiée de toutes ses mauvaises inclinations et de tous ses sentiments désordonnés, il lui faut accepter l'angoisse et la sécheresse, et cela pendant un laps de temps assez long, pour déraciner ses habitudes imparfaites, aussi bien à l'égard des choses divines que des choses humaines. Au milieu du feu de cette contemplation ténébreuse, la volonté doit se dépouiller de tout esprit de propriété, et se consumer comme le cœur du poisson que Tobie, sur l'ordre de l'ange, fit brûler sur un brasier ardent, revêtu alors de pureté et de simplicité, ses affections purifiées et bien réglées deviennent aptes à ressentir les touches sublimes, quoique passagères, du divin amour, à qui seul il appartient de la transformer entièrement, après avoir renversé toutes les digues qui s'opposaient à son action. Dans l'union qui s'opère par la nuit obscure, l'âme se trouve, au milieu de ses communications avec Dieu, envahie par une certaine magnificence pleine de gloire, dont les biens et les délices excèdent toutes les richesses que l'on peut naturellement posséder. Saint Paul l'a dit après Isaïe, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point ouï, ni le cœur de l'homme n'a pas compris ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment, 1 Corinthiens 2, 9. Or, les premières dispositions requises pour être rassasiées des joies de cette plénitude, ne sont-ce pas le vide et la pauvreté d'esprit? Dans l'union qui s'opère par la nuit obscure, ne faut-il pas se priver généreusement de tout appui, de toute consolation céleste ou terrestre, afin que, vraiment pauvre d'esprit et dépouillé du vieil homme, l'âme commence à vivre d'une nouvelle et bienheureuse vie, c'est-à-dire de l'union d'amour avec Dieu? C'est le terme où l'on conduit les épaisses ténèbres qu'elle a dû traverser. L'âme est faite pour parvenir à une connaissance fort étendue, et pleine de saveurs, des choses divines et humaines, sentiment qui s'élève bien au-dessus de sa science naturelle, autant, en effet, le divin est éloigné de l'humain, autant la lumière et la grâce de l'esprit sont différentes de la lumière des sens, aussi, pour arriver à envisager les choses sous un point de vue tout autre que celui d'autrefois, il faut que l'esprit acquiert cette subtilité qui le dégage des moyens naturels de comprendre, et le purifie à l'aide des douloureuses angoisses et des désolantes amertumes de la contemplation. De son côté, la mémoire doit éloigner tout ce qui était pour elle un sujet de repos et d'agrément, en sorte que par un sentiment très intime, et une manière de voir toute nouvelle, les choses d'autrefois changent d'aspect pour elle et lui deviennent étrangères. La nuit obscure a précisément pour but de faire sortir l'esprit de ses connaissances ordinaires et communes, pour leur substituer des sentiments tout divins, entièrement étrangers aux modes humains, à tel point que l'âme semble transportée comme hors d'elle-même, émerveillée des choses admirables et nouvelles qu'elle voit ou qu'elle entend. Elle se demande parfois si c'est l'effet d'un charme, ou s'il faut les attribuer à un enchantement. Cependant, les objets qui se présentent à elle n'ont pas changé, mais alors, me direz-vous, pourquoi l'âme ne les envisage-t-elle plus comme autrefois? C'est qu'en se séparant des connaissances communes, elle a soumis le sens humain, et s'est ainsi disposée à recevoir la forme du sens divin, ce qui est le propre de la vie future plus encore que de la vie présente. Avant d'être ainsi régénérée dans la vie spirituelle sous cette divine influence, l'âme traverse d'amères purifications, et c'est dans l'excès de ses douleurs qu'elle engendre l'esprit de salut, comme l'affirme le texte suivant d'Isaïe. Nous sommes ainsi devant votre face, Seigneur, nous avons conçu, nous avons été comment travaillés, nous avons enfanté l'esprit de salut, Isaïe 26, 17, 13. La paix antérieure dont l'âme croyait jouir, alors que tout lui arrivait à souhait, était troublé par une multitude d'imperfections, ce n'était pas une vraie paix, bien qu'elle lui parût être telle, dans les sens comme dans l'esprit, mais, pour arriver à posséder cette paix intérieure, cette tranquillité si délicieuse, qui, selon le dire de la Sainte Écriture, surpasse tout sentiment, il faut que l'âme se détourne de sa première paix imparfaite, et s'en purifie à la faveur des ombres de la nuit de contemplation. Nous avons entendu Jérémie décrire cet état dans ses lamentations, par le texte déjà cité, « La paix a été bannie de mon âme », Lamentations 3, 17. Un grand trouble accompagné de craintes, de doutes et de combats intérieurs, s'est emparé de l'âme, le vif sentiment de ses misères lui fait en outre appréhender la perdition et la ruine totale de tous ses biens spirituels. L'esprit, en proie à une tristesse poignante, ne peut contenir la force de ses gémissements, parfois il s'échappe des lèvres en clameurs véhémentes, en rugissements de douleur, et des pleurs abondants jaillissent des yeux. Néanmoins le soulagement même des larmes ne lui est que rarement accordé. David, le royal prophète, dépeint admirablement ses épreuves. D'après sa propre expérience, j'ai été affligé, je suis tombé dans la dernière humiliation, et le gémissement de mon cœur me faisait pousser des rugissements. Psaume 37, 9. Ces rugissements sont l'expression de la plus extrême douleur. Le souvenir subi et pénétrant de ces misères fait endurer à l'âme une souffrance que je ne saurais faire mieux comprendre qu'en empruntant la comparaison du saint homme Job. Les cris que je pousse sont semblables au bruit du débordement des grandes eaux. Citation 3, 21. Comme un torrent débordé coule avec rapidité dans les vallées, et renverse les obstacles qu'il rencontre, ainsi les amertumes et les angoisses envahissent l'âme et la pénètrent à tel point, qu'elle semble submergée dans ces flots amers, qui brisent dans leur chute ses forces et ses affections les plus intimes. Les douleurs transpercent ma bouche pendant la nuit, poursuit le patriarche de l'Idumée, et ceux qui me dévorent ne dorment point. Job 30, 17. La bouche, c'est la volonté broyée par les tourments. Les doutes, les craintes qui assiègent et déchirent l'esprit, sans peine ni trêve, tels sont les effets de cette nuit qui dérobe à l'âme le fondement de ses espérances, c'est à dire la lumière du jour des consolations qui se lèvera bientôt sur elle. Terribles sont les luttes du combat, car la paix si ardemment souhaitée qui doit suivre, est immense, et si les douleurs de l'âme sont intimes, pénétrantes et extrêmes, l'amour où elle conduisait est lui, même très intime et infiniment pur, plus l'œuvre est sublime, plus le travail a dû être laborieux et prolongé, la grandeur d'un édifice exige des bases d'autant plus fermes. Aussi Job nous dit-il encore, « Mon âme est toute languissante en moi-même, et je suis tout pénétré des maux qui m'accablent. » Citation 30, 16, de même. En traversant la nuit de purification, l'âme s'achemine vers l'état de perfection où l'attendent des biens ineffables, et où ses puissances se verront enrichies de dons et de vertus innombrables, mais, avant d'arriver à cet heureux terme, il faut qu'elle renonce en général à tous ses biens antérieurs, et en soit séparée par une distance si incommensurable qu'il lui semble impossible de les recouvrer jamais. J'ai perdu le souvenir de toute joie, s'écrie Jérémie, Lamentations 3, 17. Dans les splendeurs de la contemplation où elle s'unit à Dieu, l'âme trouve tous les biens que l'on peut souhaiter dans l'état de perfection. Comment se fait-il donc que cette lumière si suave et agréable fasse éprouver à l'âme des effets si pénibles et si étranges, quand elle l'investit pour la première fois? Pour répondre à cette objection, il suffit de répéter ce que nous avons déjà expliqué en partie, c'est-à-dire que la contemplation divine et infuse ne saurait par elle-même procurer aucune peine à l'âme, Loin de là, elle la comble d'une abondance de suavité et de délices, dont l'âme fera un jour l'heureuse expérience. L'unique cause de sa souffrance vient de la faiblesse et de l'imperfection de ses dispositions actuelles. Disposition fort opposée à la douceur de ses communications, incapable de supporter les impressions de son Dieu, est-il dès lors surprenant de voir l'âme livrée à de si cruelles souffrances, sous les influences de la divine clarté qui l'envahit? Chapitre 10. Une comparaison sert à expliquer cette purification spirituelle. Pour donner plus de clarté à la doctrine précédente et à celle qui doit suivre, il est bon de remarquer ici que la connaissance amoureuse ou la lumière divine dont nous parlons purifie l'âme et la dispose à l'union parfaite par une action analogue à celle du feu sur le bois qu'il consume. Le feu matériel, en s'attachant au bois, commence par le dessécher et par lui faire rejeter toute son humidité, il la noircit, ensuite l'obscurcit, le sèche peu à peu, et consumant en lui tous les accidents contraires à la nature du feu, il le prépare ainsi à la combustion, bientôt il l'échauffe, l'enflamme extérieurement, et enfin le transforme et le rend aussi éclatant que lui-même. En cet état le bois n'a plus d'action propre. Son action et ses propriétés deviennent celles du feu, à l'exception de la quantité et de la pesanteur, qui sont moins subtiles que dans cet élément. Revêtu des qualités du feu, il est sec, il est chaud, il communique sa chaleur, il est lumineux, il est clair, enfin il acquiert une légèreté qu'il n'avait pas, et participe ainsi à toutes les propriétés du feu. Appliquons présentement cette comparaison au brasier divin de la contemplation d'amour, avant de s'unir à l'âme et de la transformer. Il la dépouille de tout ce qui pouvait résister à son action, il lui fait rejeter au dehors toutes ses souillures, la rend noire, obscure, ce qui la fait paraître plus malmauvaise qu'auparavant. En effet, les passions et les tendances vicieuses cachées dans son propre fond et dont elle était remplie à son insu sont maintenant exposées à ses yeux, le feu de la purification les agite pour les chasser et les détruire, et, grâce à l'obscure lumière de la divine contemplation, l'âme les distingue très clairement. L'état présent de l'âme est-il donc devenu plus déplorable vis-à-vis de Dieu ou d'elle-même? Non. Mais les misères qu'elle ne découvrait pas autrefois lui sont dévoilées à cette heure. Elle ne se croit pas seulement indigne des regards de Dieu, mais encore elle s'imagine être pour lui un objet de répulsion et d'horreur. Cette comparaison du feu explique ce que nous avons déjà dit, et jette un nouveau jour sur la matière qui nous reste à traiter encore. D'abord, c'est le même feu qui, après avoir préparé le bois en le pénétrant, le transforme en soi, ainsi la sagesse ou la lumière d'amour, qui revêt l'âme pour la transformer et l'unir à Dieu, est la même qui, dans le principe, l'a préparée et purifiée. En second lieu, nous rappellerons que les peines de l'âme ne proviennent pas de la divine sagesse, car tous les biens me sont venus avec elle. Sagesse 7, 11. Dit le sage, ces peines ont donc leur source dans la faiblesse et dans l'imperfection même de l'âme. Avant d'avoir traversé ces épreuves, elle est inhabile à recevoir la lumière céleste et à en savourer les délices. De même, le feu ne transforme pas le bois immédiatement, et sans lui avoir fait subir une douloureuse préparation. À l'appui de cette doctrine, l'ecclésiastique énumère ce qu'il a souffert pour s'unir à la sagesse, et être admis à la jouissance de ses biens, tandis que je la cherchais. Mes puissances intérieures ont été troublées, c'est pour cela que je posséderai un si grand bien. Ecclésiaste 51, 29. Troisièmement, on peut encore par là se faire une faible idée de la souffrance des âmes du purgatoire. Leurs fautes sont la matière du feu, qui ne trouverait pas d'aliment et n'aurait aucune action sur elle, si, entièrement pure, Elles étaient toutes prêtes à s'unir à Dieu dans le règne de la gloire, ainsi en est-il de l'âme ici-bas, une fois délivrée de ses imperfections, la souffrance cesse, et fait place à la plus grande paix dont il soit possible de jouir en cette vie. En quatrième lieu, comme le bois s'enflamme plus ou moins vite, selon sa disposition à recevoir la chaleur du feu, ainsi l'âme s'embrase de plus en plus à mesure qu'elle est purifiée par ces flammes d'amour. Les ardeurs de cet incendie d'amour ne sont pas toujours sensibles, il est vrai, l'âme ne les ressent que par intervalles. Lorsque l'obscure contemplation diminue d'intensité, le travail qui s'opère alors est découvert à ses yeux, elle peut à loisir le considérer et même en jouir. L'œuvre de la purification semble être un instant suspendu, pour lui permettre d'apercevoir le bien qui demeurait caché à ses yeux au temps de l'épreuve. Il en est ainsi du fer dont on constate l'incandescence lorsqu'on le retire de la fournaise, ou de la flamme, dont on connaît mieux les ravages quand elle a cessé d'attaquer le bois. En cinquième lieu, la même comparaison fera ressortir une vérité énoncée bien des fois, à savoir, que l'âme, après ses répits pleins de charme, doit infailliblement s'attendre à des souffrances plus intenses et plus pénétrantes que jamais. Ses imperfections extérieures ont disparu, elle a entrevu quelque chose du travail déjà accompli. C'est alors que le feu du divin amour revient à la charge, s'attaque au plus intérieur et consume ce qui reste encore à purifier. Les souffrances de l'âme sont donc d'autant plus profondes, aiguës et spirituelles, que l'amour détruit et déracine. Dans le centre le plus intime de son être, ses moindres imperfections, ainsi la force et l'activité du feu s'emparent des parties les plus cachées du bois, et le pénètrent jusqu'à la moelle. Sixièmement, les intervalles de joie et de repos accordés à l'âme lui font espérer parfois que l'heure des tribulations est passée et ne reviendra plus, bien qu'il n'en soit pas ainsi. Cependant, avec un peu de réflexion, l'âme ne laisse pas que d'apercevoir en elle je ne sais quelle mauvaise racine encore vivace, qui l'empêche de goûter une joie sans mélange, sans cesse elle redoute de lui voir produire de nouveaux rejetons. Comme en effet les résultats le prouvent bientôt, un mot, ce qui est achevé de l'œuvre purifiante, ne suffit pas à voiler au regard de l'âme le travail intime qui reste à faire, aussi bien la partie du bois qui n'a pas encore été envahie par le feu, est, elle très différente des parties déjà en ignition. Il ne faut donc pas être surpris de voir la purification reprendre son œuvre et pénétrer l'âme plus profondément. Celle-ci, convaincue de nouveau de la perte totale de ses biens, perd l'espérance de les recouvrer à l'avenir, jetée dans le creuset des épreuves les plus intimes, tous ses biens extérieurs lui sont cachés. Après avoir développé cette comparaison sous les yeux du lecteur, et lui avoir fait connaître les terribles propriétés de la nuit obscure, renfermées dans le premier vers de cette strophe, il lui sera agréable, nous semble-t-il, d'abandonner ce pénible sujet, pour commencer à recueillir les précieux avantages que l'âme exhale dans le second vers.